problème à la zone. Tu veux reprendre le réseau. Heureusement que les grands te raisonnent. Sur H, sur résine, tout le monde t'a laissé. Tu m'as fait le signe quand j'étais sur scène ou alcoolisé. Et ça me tenait à cœur. Ne dis pas merci pour la dédicace. Il m'a niqué le mélange. Il a coupé à la boisson gazeuse. J'ai pété la cible. J'ai passé la douane. Je rentre dans la ville. Je reviens du show qu'elle s'est cassé ma voix. J'suis pas réglé. Je te verrai récup la gadget. J'ai trop la flemme. Je regarde une série sur Netflix. Et la petite, normal, elle me fixe. Rappelle-toi à l'ancienne, on s'appelait sur le fixe. J'suis pas réglé. Je te verrai. C'est quand qu'on se voit. Tu m'as laissé partir. T'as fait de manière, on s'entendait pas. Je connais la misère. Dans le 3-6 heures. Ça niquait des CB. On avait les civils dans le rétroviseur. La juge j'incarcère. La conne de sa mère pour un petit larcin. Ça me fait trop plaisir quand je vois que tu es aimé par ma ville Marseille. C'est pas de ma faute. On s'est parlé avant. J'ai fait le tour en 4 ans. J'étais un peu pété, j'ai fait tomber la chabran. J'suis pas réglé, je te verrai récup la gadget. J'ai trop la flemme, je regarde une série sur Netflix. Et la petite, normal, elle me fixe. Rappelle-toi à l'ancienne, on s'appelait sur le fixe. J'suis pas réglé, je te verrai récup la gadget. J'ai trop la flemme, je regarde une série sur Netflix. Et la petite, normal, elle me fixe. Rappelle-toi à l'ancienne, on s'appelait sur le fixe. J'vais pas fumer, ça va me couper.